voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voix du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. De village en village, de chemin en chemin, Jérôme Thomas aime la vie à la belle étoile. Étonnant personnage, Jérôme, le compteur marcheur, a passé 4 années à parcourir à pied la France en dépensant seulement quelques euros par jour. Aujourd'hui, Jérôme s'est lancé dans l'aventure familiale, mais il revient volontiers sur son parcours et les motivations qui l'ont poussé à vivre dans l'itinérance, avec comme seul compagnon son sac à dos. Je suis originaire de la Mayenne, et j'ai fait un épisode de 4 ans itinérant, donc j'avais plus de maison, et je vivais avec mon sac à dos, je me promenais comme ça en France, et c'est à ce moment-là que je suis devenu conteur, que j'ai commencé à raconter des histoires. Comment est-ce qu'on en devient à devenir itinérant? Pourquoi? C'est suite à quoi? Quelle est la réflexion, la rupture ou l'histoire qui fait que tu te dises tiens, ben je vais remplir mon sac à dos et ça va me suffire pour pouvoir vivre l'itinérance? C'est pas du tout, ça n'a jamais été une rupture. C'est plutôt vraiment une continuité en douceur. Arrivé dans les Ardennes, j'ai commencé à marcher beaucoup parce qu'on est sur un terrible terrain de jeu pour les marcheurs. C'est plein de forêts, plein de chemins. Donc je pouvais partir tous les jours, aller me balader. Le week-end, j'allais me balader. Et je me disais que c'était ça qui me faisait vibrer. Et du coup, j'avais aménagé mes horaires pour marcher plus. Et puis je me disais, mais en fait, si je veux marcher encore plus, ce serait de... L'étape suivante, ce serait plutôt que de rentrer chez moi, ce serait d'aller dormir dehors et puis de marcher tout le temps, quoi. Donc c'est le moteur, ça a été ça, quoi. De marcher et de passer plus de temps dehors. Mais pourquoi? Par goût, tout simplement. Parce que j'aime ça. Enfin, parce que vraiment, je me dis, ben voilà, là, je suis bien, pourquoi? Simplement par goût, quoi. La nature, enfin, ce goût d'être dehors, est-ce que tu l'avais déjà enfant? Comment tu l'expliques? Vers les 10-12 ans, j'avais une approche... Enfin, j'étais ornitho, j'étais dans les assos d'ornitho, mais je suis pas sûr que ça ait un lien. C'est pas tellement la même... Là, ce qui me fait aller dehors, c'est vraiment une émotion, un plaisir, qui est pas du tout scientifique ou quoi, un bien-être. Alors, je sais pas si j'ai l'impression qu'en fait, ma fille est... Elle est super contente quand elle est dehors, quoi. J'ai l'impression que j'ai toujours été content quand j'étais dehors. Et puis après, je me suis peut-être rendu compte que j'étais bien dehors, de façon un peu plus palpable, un peu plus consciente. Il y a eu quelques déclics dans des voyages où je me dis mince, je suis vachement bien. Mais j'ai l'impression comme plein de gens, quand tu randonnes ou quoi, tu es au sommet de la montagne, tu te dis ben voilà, je suis vachement bien. Et puis voilà, tu rentres chez toi, et voilà, moi je me suis dit, mince, je suis quand même vachement bien en haut de la montagne, quoi, donc ça m'a trituré peut-être un peu plus fort, puis je me suis dit, allez, je vais aller plus souvent là-haut, quoi. Et comment est-ce qu'on arrive à voyager non-stop ou à marcher non-stop pendant 4 ans? Est-ce que tu savais que tu allais partir aussi longtemps? Comment est-ce que tu construis ton itinéraire? Parle-moi un peu de ce quotidien, de ce moment-là, de ta vie au jour le jour ou... Ben moi, c'était une envie vraiment de légèreté. Quand je suis parti, je me suis dit, voilà, j'ai fait des fêtes chez moi en invitant tout le monde, en disant, ben, vous prenez tout ce que vous voulez. De toute façon, tous mes CD, tout ça, tout ce qui ne sera pas pris, ça ira chez Emmaüs. J'avais envie vraiment de lâcher tout ça, quoi. Donc, tu as préparé ton départ? Oui, puis je l'ai décidé... Je pense plus d'un an avant, parce qu'en plus, j'étais à l'époque, c'était les emplois jeunes, donc j'étais sur un contrat aidé dans une compagnie de théâtre. Ça s'est fait d'un commun accord. Et du coup, oui, c'est plus d'un an avant, je me suis dit, bon, allez, je pars et je vais marcher avec mon sac. Donc ça s'est préparé. Et un petit déclic, ça a été de me dire qu'avec 3 euros par jour, avec mes, je sais plus, je vais avoir 2-3 000 euros sur mon compte, j'avais déjà quelques années de rente, quoi. Je pouvais être rentier pendant 3 ans, je crois que c'était ça. Et je m'étais dit, bah, c'est tout. Si, au bout de 3 ans, il y a des grandes chances que soit j'en ai marre, soit j'ai trouvé, enfin, soit j'arriverai à vivre avec encore moins, ou je sais pas, je trouverai le moyen de me ramener mes 100 euros par mois, quoi. Et donc ça a été la démarche. Je vais me dire, je ferai attention à pas dépenser plus de 3 euros par jour. Et en fait, c'était assez facile parce que j'avais vraiment pas envie de. Enfin, même en m'autorisant quand il pleut d'aller me prendre un café ou quoi, j'avais pas envie de grosses dépenses, quoi. Il y a quand même, c'est vrai que 3 euros par jour, ça me paraît très très peu finalement en France, parce qu'il faut quand même de temps en temps acheter un morceau de pain, un morceau de fromage, ou même il y a un coût pour ça. Mais mes dépenses, c'était. Enfin, mon repas, c'était toujours le même. Je prenais une carotte en entrée, du pain et un bout de fromage et une pomme en dessert. Et le matin, je prenais une pomme et le soir, je prenais une pomme. Et un petit paquet de bichoco. Donc ça fait vraiment rien. Après, en frais, j'avais de temps en temps à changer les chaussures. J'avais un abonnement de téléphone portable. Il n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'argent, quoi. Alors après, j'étais dans mon budget, voilà, 2-3 euros par jour, quoi. Excellent. Avec chaque jour, quand tu te réveilles, tu sais où tu vas, comment ça se passe, comment tu construis ton itinéraire? Alors, j'ai suivi les chemins de grande randonnée. J'avais l'impression que c'était le plus simple pour avancer, enfin, pour pas galérer à me trouver dans des cul-de-sac, tout ça. Donc, je suivais les chemins de grande randonnée. J'avais très peu de contraintes. Au début, aucune, puisque quand je suis parti, je ne savais vraiment pas du tout ce que j'allais faire, si ça allait durer un mois, si ça allait durer un an. Et puis après, quand je me suis dit, tiens, ce serait chouette que je raconte en même temps que je marche. Du coup, c'était souvent des représentations les week-ends. Et c'était pas forcément exactement sur mon itinéraire, donc je me déplaçais en stop pour aller à la représentation. Et après, la représentation, je revenais là où je m'étais arrêté à pied, quoi. Du coup, j'avais pas de contraintes précises sur mon itinéraire, puisque j'étais pas à 2 jours près. Et ce qui simplifiait beaucoup la donne, parce que les jours de pluie, j'avançais à rien. Des fois, je pouvais faire, en plus, au bout d'un moment, même si tu fais pas d'efforts, t'as la condition physique qui. Enfin, ton corps, il s'adapte, quoi. Et donc, je pouvais aller faire des fois 40-50 bornes, et puis le lendemain, 10 bornes ou 5, peu importe. Voilà. Et tu parlais du compte, donc ça c'est venu comment? C'est venu avant de partir, tu savais que tu voulais compter, ça s'est développé sur le chemin, les représentations sont venues fur et à mesure. Ça s'est décidé sur le chemin. Je suis parti vraiment avec. J'avais envie de. Vraiment d'aucune contrainte. Donc je suis parti. Je me disais, il y a autant de chances que j'écrive quelque chose, peut-être. Donc je faisais déjà. Enfin, j'étais pas sur scène, mais j'étais déjà dans l'administration du spectacle avant de partir. J'avais fait quelques stages de compte. Enfin, j'avais un festival à côté d'ici qui me plaisait bien, mais ça faisait partie du champ des possibles. Et du coup, je me suis décidé en fait à raconter ce que j'ai commencé dans le sud de la France, et je me suis retrouvé le premier printemps, j'étais autour de Manosque. Et du coup, j'ai eu envie de raconter l'homme qui plantait des arbres de Giono et de le travailler sur vraiment à Bannon, enfin là où ça passe. C'est un super souvenir d'avoir appris le texte et puis de l'avoir mûri vraiment en faisant une sorte de pèlerinage sur les pas de Giono, quoi. J'ai des souvenirs comme ça d'avoir croisé une boîte aux lettres au milieu de rien de Monsieur Bouffier, qui est le personnage central de l'histoire, quoi. Là, il y avait la boîte aux lettres avec marqué Monsieur Bouffier. Vraiment, ça aurait vraiment pu être sa maison, quoi. C'était chouette. Et du coup, j'ai commencé donc là à dire ce texte que j'avais appris dans les écoles. Et puis petit à petit, je me suis mis au compte, ou avec moins de texte et plus dans l'échange, quoi. Je vais revenir sur cette itinérance, ces 4 ans. Pourquoi 4? Est-ce que tu savais que tu allais partir aussi longtemps? Alors, l'histoire, donc ça va comment? Oui. Alors, donc un an avant, je savais que j'allais partir sans contrainte, juste avec mon sac à dos. Comme je partais en janvier, je me décidais que je partirais de grâce pour avoir un peu de soleil. Et quand même, avant, il faut que je parle de la fête de départ, parce que Au moment de partir des Ardennes, j'ai fait une grande fête où j'ai invité tous les amis. On s'est dit, ben voilà, je quitte les Ardennes, je pars. Et puis là, j'ai rencontré Nathalie, qui maintenant est ma femme. On a deux enfants ensemble. Et c'était ma fête de départ. Donc, je suis parti quand même. Et puis, finalement, donc là, je savais, je pense que j'avais peut-être 2-3 mois d'itinéraire. Je savais que je prenais tel GR. Je faisais souvent avec les topo guides de la fédération, là. Et du coup, voilà, un topo guide, ça me faisait un mois. Je savais que je partais là. Et puis, un croisement avec un autre GR, je bifurquerais, quoi. Et du coup, finalement, ça ressemble, l'itinéraire des 4 ans ressemble à une sorte de petit tour de France, mais pas complet, puisque je suis parti de la Méditerranée. Ensuite, j'ai traversé les Pyrénées de la Méditerranée à l'Atlantique, en suivant à peu près la frontière espagnole. Ensuite, j'ai remonté les chemins de Saint-Jacques pour revenir dans la vallée de la Loire, longer la Loire, faire le tour de la Bretagne. Et puis ça s'est arrêté vers le Mont-Saint-Michel. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être aussi léger en étant sédentaire. Et on gagnera, si on arrivait à avoir la même légèreté en étant sédentaire, on gagnera, parce qu'au niveau relations sociales avec nos amis, nos familles, les familles encore ça va, mais se faire des nouveaux amis avec une relation un peu suivie, c'est compliqué en étant itinérant. Voilà, on se disait, allez, ce serait un beau pari que de réussir à avoir cette même voilà. C'est quoi cette qualité de vie, cette légèreté dont tu parles que tu souhaites retrouver dans une vie sédentaire? Ouais, c'est que t'as rien à faire de ta journée, tout ce que tu fais c'est, enfin là moi en marchant, tout ce que je faisais c'était assez absurde puisque ça servait à rien, enfin ça n'a aucune utilité de marcher. Je pouvais très bien me déplacer, j'aurais pu me déplacer en stop, en voiture. Et du coup, la seule fonction de ça, c'est de faire du bien, quoi. Tu te lèves en disant, tiens, ben, je marche. Si tu te lèves, t'as pas envie de marcher, tu marches pas, ça sert à rien. Enfin, et ça, c'est sacrément luxueux, quoi. Et c'est, enfin, ta seule, vraiment, c'est très présent, ton seul objectif, et voilà, c'est. Qu'est-ce que tu as envie? Si tu as envie de rien, tu fais rien. Si ça m'est arrivé de pas marcher de la journée. Alors tu fais quoi? T'as un rapport au temps qui est complètement différent. T'es pas en train de te speeder en disant faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, faut que je me dépêche. Le stress, ça n'existe plus. Ben non, non. Quand tu mar enfin, en marchant, non. Enfin, tu es obligé d'avoir une relation différente. Et ce qui est étonnant, c'est que en faisant. Si je pense à. Maintenant. Rétrospectivement à ces années-là, c'est pas du tout l'impression d'années où j'ai rien fait. Que ce soit sur mes spectacles, j'ai pas eu l'impression d'en faire moins, ni de spectacles importants. Voilà, que ce soit au niveau des rencontres, au contraire, j'ai l'impression que c'est des années remplies. Alors que 80, je passais 8 heures par jour à marcher, enfin, ce qui ne servait à rien, un truc qui. Et aujourd'hui, où voilà, le quotidien. C'est le problème, j'ai l'impression d'être sédentaire, écoute, le temps me rattrape et si je regarde mon année passée, en choses importantes, j'en ai pas beaucoup plus, quoi. Tu peux me comparer un peu les deux modes de vie, celui du mode nomade avec ton sac à dos et celui du mode sédentaire que tu as aujourd'hui. Quelles sont les grandes différences que tu remarques? Sur le matérialisme, je me disais que j'étais autant. Enfin, que les choses matérielles avaient autant d'importance. Je prenais beaucoup de soin à plier mon sac, à les affaires que j'avais. Bah, ça demande. Elles prennent. En fait, il y a beaucoup moins de choses, mais elles prennent plus de place parce qu'on. Bah, le sac à dos, ça devient vraiment un compagnon. Mais ça, c'est intéressant. Ça montre bien que la technologie, tout dépend de l'usage qu'on en fait derrière. Mais là, c'est. Ouais. Il y a quelque chose qui a sûrement changé aussi entre la vie de sédentaire et la vie de nomade. C'est le regard des autres. Est-ce que tu peux me parler de ce regard des gens que tu vas rencontrer quand tu es nomade qui doit être quand même assez. Enfin, tu dois faire rêver à travers cette liberté que tu peux rayonner autour de toi. Oui, alors t'as différents regards. Alors il y a on évoque des imaginaires complètement différents en fonction de la personne en face, quoi. Parce que ça peut faire rêver la personne avec le sac à dos comme ça. Souvent quand je prenais des contacts au bout d'un moment pour dire je cherche à raconter, voilà, je fais le chemin et puis je cherche des lieux pour raconter. Là, souvent, effectivement, ça fait rêver, quoi. Le troubadour comme ça qui est sur les chemins. Après, dans les villages que je traverse, j'entendais beaucoup d'interrogations. Il y a très peu de gens qui venaient, qui venaient vers moi pour me demander ce que je faisais. Alors, il y en avait sans doute qui disaient, ben, c'est un, c'est un romano ou quoi, faut s'en méfier. Et puis, d'autres sans doute qui auraient bien eu envie de venir vers moi, mais qui n'osaient pas. Puis moi, j'étais pas tellement à chercher la relation, la rencontre, quoi. J'étais vraiment, c'était plus une démarche individuelle. Et tu l'as jamais subi, cette solitude? Tu t'es jamais retrouvé en forêt un soir en te disant, putain, pourquoi tout seul quoi? C'était des fois plus sympa de partager les choses avec mes semblables. Ah non. Ah non. Non, pour moi, c'est vraiment ce que, enfin, je pourrais pas le faire à plusieurs. Après, c'est autre chose, c'est chouette avec les semblables. Voilà, tu bois des coups, tu partages des choses, mais j'ai l'impression que le plaisir que j'ai, je peux vraiment pas le partager. Les mots, ils sont dérisoires et ça va pas dans le champ du social. Et ça me fait suer d'être avec du monde. Vous écoutez la voix du Kaizen. J'ai l'impression d'avoir aucune légitimité pour parler de sobriété heureuse ou de simplicité volontaire. Parce que je ne suis pas du tout un combattant ni un extrémiste. Je n'ai envie de faire aucun effort. Donc tant que si une pub me donne envie d'acheter un truc, je vais l'acheter. Je ne vais pas me résister contre ça. Après, oui, ça me parle. Je suis convaincu que l'argent ne fait pas le bonheur, que les objets, de toute façon, c'est l'abbé Pierre qui dit qu'un objet que tu ne sais pas donner, c'est lui qui te possède, c'est l'objet qui te possède. Donc ça, j'y crois assez, qu'il ne faut pas accorder de la valeur à ça. Après, maintenant j'ai une maison, j'ai tout plein de choses dedans, j'essaie de ne pas y accorder de valeur et je me sentirais tout à fait là demain de partir. Si on me dit tu dois partir et juste reprendre le sac à dos, après on peut dire que ce n'est pas vrai, mais j'ai l'impression que je pourrais là laisser la maison là, je ne sais pas ce que je prendrais, mais je crois que je pourrais aller tout laisser quoi, et partir avec le sac à dos. C'est peut-être ça la différence d'il y a, voilà, si je revenais 20 ans en arrière avec l'appart, aujourd'hui, il y a peut-être plus de choses dedans, mais j'ai l'impression que c'est vraiment, elles ont une fonction utilitaire, quoi. Mais bon, c'est peut-être pas vrai, ça. Où est-ce qu'on dort le soir? Comment ça va se passer? Est-ce que tu cherches un abri? Est-ce que tu regardes le ciel? Tu vois qu'il y a un gros cumulus qui se forme? Tu te dis, tiens, potentiellement, il y aura un orage cette nuit. Je vais essayer de dormir à l'abri ou pas du tout? Comment? J'avais pas envie de confort. Vraiment, ça me coûtait pas. Les douches, je les prenais par. De temps en temps, je me lavais, même souvent dans les ruisseaux ou quoi l'été, pour être sûr de ne pas être trop sauvage. Après, les nuits, alors j'avais une toute petite tente dans laquelle je tenais pas assis, quoi, à peine assis. Et du coup, l'hiver, je dormais souvent dans des hangars, parce que du coup, je pouvais. Parce que l'hiver, la nuit, elle tombe à 5h30, tu es allongé sous la tente, même si tu bouquines ou quoi. Tu t'endors à 7h30, 8h, et puis la nuit est longue, quoi. Et du coup, tu dors pas bien. Du coup, l'hiver, je trouvais toujours un hangar, ou au pire, un tronc d'arbre, pour pouvoir lire assis, quoi. Et du coup, je pouvais lire, ça, c'était chouette. Je frappais quasiment jamais aux portes, parce que j'avais ce sentiment de devoir me justifier. Les gens étaient peu heureux, enfin, se méfiaient, quoi. C'était assez désagréable. Du coup, ça m'arrivait plus souvent de dormir quasiment dans le garage des gens sans les prévenir que d'aller frapper aux portes pour leur demander. Et puis, sinon, la tente, l'été, la tente ou même dehors. Donc, il n'y a pas ce côté revendication du système, sortir de la société, vivre autrement, c'est possible. Il n'y avait pas vraiment ce truc-là. C'était vraiment, tu avais envie de marcher parce que tu te sentais bien, c'est ça? Oui, je crois. Après, vivre autrement, c'est possible, un petit peu quand même, de dire. De le démontrer que. Parce que j'entendais toujours, oui, c'est bien, tu fais ça parce que t'es jeune, tout ça, mais. Et notamment le fait d'être intermittent en faisant ça, pour moi, c'était un. Voilà, c'était la preuve que c'était viable, qu'il y a d'autres voies possibles. On nous dit toujours, ben non, il faut avoir sa maison, il faut travailler, il faut penser carrière. J'ai l'impression que ça démontre. C'est plus une question de tempérament. Je suis pas un gars des barricades, mais j'avais quand même. Je trouve que oui, j'étais quand même content de dire bah si, on peut vivre autrement, sans combat quoi, c'est sûr. La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine à retrouver en kiosque tous les deux mois.